money. Pour pessing à tout blé, n'a coca de convivre sans que vous alite au Roma Wananga. Boutou et coïna, tango et cotana, la yuki se la sango, yon en a bakoya, mana moyena, sale salite au Roma Wamama. Nase esale matempo ekutana o kasi bato bakoki bakutana mbe balingana sala noki ozonga ngawa yo motema pasi mpasi ya bolingo ezanga dokotolo des pasi ya bolingo ezanga misonga na kotinga masherie. Mama, trouble.